vieille Russie vivaient deux amants, Serge et Nathalie, âgés de 20 ans. Ils avaient pour toute raison, à part leur cœur aimant, elle sa chevelure d'or, lui sa chaîne d'argent. Cheveux sans un peigne, comment les coiffer? Sans montre la chaîne, pourquoi la porter? Il y a bien des peignes fins, des montres en quantité. Mais le marchand tend sa main, avec quoi le payer? Et Noël arrive sur les amoureux. Nathalie pensive, Serge malheureux. C'est l'époque des présents, Nathalie voudrait bien offrir la montre d'argent, Serge le peigne fin. Elle part en cachette chez le perruquier. L'homme lui achète ses boucles dorées. Puis elle court chez l'horloger, mais Serge au même instant, contre un peigne a échangé une chaîne d'argent. Ils sont face à face avec leur présent, mais leur joie se casse en se regardant. Nathalie sans ses cheveux, lui sa chaîne envolée, rit et pleure tous les deux, leur cadeau à leurs pieds. En vieille Russie vivaient deux amants, Serge et Nathalie, âgés de 20 ans. Les jeunes amants, pensez à leur histoire. Eux si pauvres étaient pourtant plus riches que le tsar.